Dieu bienveillant, notre Père Céleste, c'est avec humilité et cœur plein de reconnaissance que nous nous approchons volontairement de ton trône de grâce pour être secourus dans tous nos besoins, pour obtenir miséricorde de Dieu. Auprès de toi se trouve la rédemption et le pardon Amen. En abondance, Seigneur. Car tu es amour. Amour divin. Amour agapao. Amour parfait. Fontaine créatrice de toutes choses. Le grand océan d'amour. Qui était avant toutes choses. Qui existe par lui-même. Elohim, notre Dieu vivant. Et qui nous a manifesté cet amour. Autant marqué ici à la fin. En envoyant d'abord son fils unique, lui qui attend aimer le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tu as répandu cet amour dans nos cœurs depuis les jours de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit nous a été donné du ciel, confirmant la promesse de Dieu, voulant poursuivre les desseins de Dieu à travers une poignée d'hommes et de femmes que Dieu viendra des saints pieds de femmes pour travailler à sa cause et pour les hommes et les royaumes de Dieu. Et pendant tous les âges, tu as soutenu l'Église, l'Église qui était basée sur la révélation. Toutes les portes de ces jours de mort se sont opposées à l'enseignement de la révélation. Ils ont combattu cette Église. Mais comme tu avais prévu dans ton plan, n'ont jamais vaincu. Béni soit le nom du Seigneur Dieu fidèle, qui nous conserve la victoire de notre ascension, qui a témoigné cet amour, en confirmant la promesse malachique, Zacharie 14, Jean 14, Apocalypse 10, verset 16, toutes les promesses de la Bible, malgré ses accomplis de nouveau, Joanie 2 à la lettre, parce que tu manifestes encore ton esprit pour attirer les âmes hors de la perdition, leur montrer le chemin du salut, leur montrer la voie du ciel. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as fait de merveilleux, de miraculeux, de surnaturel. Et très bien, Seigneur, résonne au cœur ce soir, alors que nous venons répondre à ton invitation, l'invitation au noce de l'agneau. La puissance de résurrection. Il a fait apparaître le Seigneur dans le ciel. Le Dieu solo dans la mystère. Nous avons vu le message est confirmé. Il n'est pas un homme. Mais c'est la révélation de Jésus-Christ. Il s'est manifesté en lui. Il s'est identifié à son message. Malheur à nous si nous ne croyons pas. Malheur à nous si nous demeurons volontairement incrédules. Nous sommes sur l'auditoire. et guéris chaque maladie. Donne la force aux faibles. Consolez les cœurs affligés. Et changez les corps de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous nous remettons à toi. Et nous nous attendons à toi. Et nous expectatifs de ton nom. Et nous naturel bienfaiteur. Invisible et bien. Et nous agissons de façon inattendue. Viens à notre communion. Et que ton esprit communie avec nos cœurs. Pour un changement durable, un salut éternel, dans le puissant nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, Dieu de la main, nous prions ainsi, et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, et nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur, alors qu'il est temps d'écouter l'évangile de Dieu par le canal de son serviteur mandaté. Nous souhaitons à chacun de vous la bienvenue et bon appétit. Shalom, shalom. Kimia. Vous êtes pasteur Gauthier ici à la chaire. Jésus a une table où les années respectées à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle la femme et vient dîner. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous pour la lecture de la parole. Alors, je retourne au passage de l'écriture que j'ai pris au début. Parce que je commence à chuter. Apocalypse chapitre 1er. Nous avons lu du 1er verset au verset 3. Mais je lis d'abord 1 et 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Oyo emoniseli na Yesu Kristo epesaki Nzambe ye mpona kotatolisa bawumbu na ye makambo makobima noki. Atindi mumbu na ye yango. Ye Yohane atatoli mpona makambo yonso mamonaki ye mpona liloba na Nzambe pe litatoli na Yesu Kristo. Amen. Nzambe Tata, na totangi makomi. Motoyo sa ekoli aza mayele akokotanga molimboli ezali be yo moko ozali molimboli eloba na yo yo moko totondi yo nkolo nasengi obakisa lipamboli na yo na likomi totangi mpe tombola biso baso na mosanda na molimo mpo toyoka oyo obongiseli biso na pokwa ya lelo tondimi ete oza na biso elongo conforme à la promesse, qu'est-ce que tu as dit, tu as dit, vous asseoir, bien entendu. Ok. Donc, mon texte de base, je lis Apocalypse chapitre 1er. Du 1er verset au verset 3. Mais, en commençant le verset 1er, il est dit révélation de Jésus-Christ. Je me suis arrêté là. Tous les commentaires que je viens de faire ici. Depuis que j'ai commencé, j'ai introduit. Je continue à mercredi, dimanche, mercredi. Je n'étais que sur la révélation de Jésus-Christ. Parce que j'ai dit au départ que le thème c'est la révélation de Jésus-Christ. Mais mon sujet que j'ai pris, c'est l'importance de la révélation. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Je m'arrête là. Parce que peut-être que, voyez, quand vous lisez ça rapidement, vous ne verrez pas ça. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Mais moi je lis comme ça. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Cette révélation, c'est Dieu qui l'a donné à Jésus. Pas avec la pensée trinitaire, mais nous croyons ce que la Bible enseigne. Nous croyons ce que les apôtres avaient enseigné. Frère Branham n'a pas changé la doctrine apostolique. Il est resté avec cet enseignement-là. Et lui-même, il avait un ministère prophétique restauré. Voilà pourquoi il s'en tenait strictement aux Saintes Écritures. Toute révélation qui contredit l'Écriture ne vient pas de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, vous comprenez, ça vient de qui? Ça vient du diable. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est là-dessus que nous allons méditer ce soir. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Je m'arrête là. Je prends un peu l'écriture. Lisons ensemble. Je prends d'abord Actes chapitre 1er. Chapitre 1er, je lis du verset 4 au verset 7. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé à leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Kuyoka yangona monoko nangai pwete Yohane abatisaki na mai ndebino boko batisama na molimo mosantu na sima na mikolo mingi te. Alors les apôtres réunis lui demandaient: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Yango bongo esila ki bango koyanga na batuni eti motei okozongisa isalele bokondina tango oyo alobina bango eti ejalili kambo na bino boye batango soko bilaka bisili tata kotia na bokondina ye mokote. Le Père a fixé ça de sa propre autorité. Donc c'est pas à vous de connaître ça. Ezali na bino te koyeba yango. Le royaume d'Israël sera rétabli pendant le glorieux règne du millénaire. Donc, règne de mille ans. Je crois que le millénaire n'est pas encore là. Je crois. Pas je pense, je crois. Je crois que le millénaire n'est pas encore là. Oui. Et je ne crois pas aussi que Jésus-Christ est déjà venu physiquement. Non. Ça, jamais. Voilà, et toi, comment tu as perversion dans la parole. Voilà, dans l'Ibé, dit que tu n'as l'Ova. Mais les gens qui sont auteurs de ça. Bato, Vazali, Babanditina, Yango, Yamoubouluana. Bon, je ne sais pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils font. Aïe, bite, tu vas aller, Babanditani, Liban, Vazali, Kosa. Je ne sais pas s'ils se rendent compte sous quelle influence ils se trouvent. Vazali, Babanditani, tu es dans la Koubenda, Manini, Babanditani, Vazali, Katina, Yango. Le royaume d'Israël sera rétabli pendant le règne du millénium. Ce sera le royaume d'Israël. Mais qui s'étendra sur la terre entière. Ce sera un royaume universel. Christ notre Seigneur, et Christ, abisso, qui sera encore Dieu incarné, dans un corps physique, et alors c'est lui qui sera le roi. Il sera sur le trône de David son père. Ok, alors quand le Seigneur leur a parlé du baptême du Saint-Esprit, voilà pourquoi les apôtres ont posé cette question. Oui, parce que pendant le millénium, il faut que le Saint des Saints soit loin. L'onction du Saint des Saints. Dans les six buts de la visite de Gabriel à Daniel. Quand il a parlé du Saint-Esprit, ils seront baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, ils posent la question. Oh, Seigneur, est-ce en ce temps que nous serons baptisés du Saint-Esprit, et que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Là, c'est acte premier. Et cela nous amène dans Matthieu chapitre 24. Nous connaissons qu'au début là, on a posé au Seigneur trois questions. Ou une question en trois volets. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Trois questions. Yesu abimaki na tempelo pe ajalaki kolongwa. Bongo baye kolina ye, baye ipona, kotalisa ye ndako na tempelo. Ye azongiseli bango lilubaete. Bojali kotala oyo yonso, boyete. Najali koloba na bino solo ete, libanga moko ekotikala na mosusu te, ekozonga kobwakama na sete. Efandi ye na ngomba na bilaya, bayekoli baye epai na ye bobele, bongo pe penza, balobi ete. Yebisa biso yonso oyo ekoya ntango nini, pe elembo na komonana na yo mpe suka na ekeke ekozala nini. Ok, dino, quand? Quand cela arrivera-t-il? Quoi? C'est que Jésus venait de dire qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Alors il dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Avènement et venu sont des synonymes. Alors, quand on dit avènement ou venu, c'est la même. Et quel sera le signe de ton avènement ou de ta venue? C'est une question. Et le signe de la fin du monde. À partir du verset 4, le Seigneur Jésus a commencé à répondre à ces trois questions. Mais s'il n'y a pas un prophète, en lisant maintenant la suite de Matthieu 4, comment nous pouvons comprendre que ce que Jésus dit ici se rapporte à la première question, ce qu'il dit ici se rapporte à la deuxième question, ce qu'il dit ici se rapporte à la troisième question? Comment Comment S'il n'y a pas un prophète pour nous faire voir ça dans l'écriture, comment pouvons comprendre ça? Quand vous prenez le sixième sceau, l'étude du sixième sceau, le Banam a fait un parallélisme entre Matthieu 24 et les sept sceaux. Ndeko bwana masali na boyoko boyokanya katikati na bilembo sambo na matai tukumi bale na mine. Quand vous prenez seulement la révélation de cette chose, mais l'étude du sixième sceau, vous lirez, vous verrez comment Banam a fait un parallèle vraiment entre ce que Jésus disait à Matthieu 24 et les sept sceaux. Wana songi katikati na oyo sa bale koloba na matai. Mais quelque part ici, il dit ceci, au verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines. Ici, dans Luc second, il est parlé seulement des famines et des tremblements de terre. Mais quand vous prenez la version du roi Jacques, je ne sais pas si dans un livre aussi, il y aura en divers lieux des famines et des pestes et des tremblements de terre. Famine, comme on dit, troisième chose. Les pestes. Les maladies infectieuses. C'est le quatrième son. Donc celui qui veut lire ça, il prend le sixième son. Alors, j'ai prêché sur les épidémies au temps de la fin. L'année passée, après le déconfinement pour le COVID. J'ai prêché sur les épidémies au temps de la fin. On a pris seulement Matthieu 24 pour que chaque fils et fille de Dieu voie un peu ce que le Seigneur Jésus avait dit là. Donc le Seigneur de Matthieu 24 a parlé du premier sceau, du deuxième sceau, du troisième sceau, du quatrième sceau, du cinquième sceau et du sixième sceau. Et à propos du septième sceau, verset 36. Il dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ndepona mokolo yango pe tango yango moko ayebite. Ata banje na likolo te. Ata mwana penza te kasi bobele tata ayebi. C'est le fils dont il a parlé là. C'était lui-même, non? Pendant ce ministère terrestre. Pendant le fils de l'homme. Donc, même lui-même, pendant qu'il était sur la terre, ici, dans ce ministère de fils de l'homme, mais il ne connaissait pas ce jour. Il ne connaissait ni le jour ni l'heure. C'est lui-même qui a parlé. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, aucun ange dans le ciel, ni le fils, pendant qu'il était sur la terre, mais le Père. Parce que vous voulez tataille mon corps. Ok. Là c'est Matthieu 24. Il n'y a pas de problème. Alors. Évangile selon Saint Jean. Chapitre 5. Nous lisons du verset 17. Je commence à lire au verset 17. Jean chapitre 5. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Verset 17. Par cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Bonatina yango bayuda baleki na posa ete babomaye, po ete ajalaki bobele kobebisa sabata te, nde abengi nzambe tata na ye moko oyé ajali ko mikomisa nzambe en appelant Dieu son propre père. Obenga ka nzambe tata na ye moko. Il se déclarait donc fils de Dieu. Wana bane ko milo bambala moko etazali mwana na nzambe. Pour les juifs, bona ba Yuda, fils de Dieu, mwana na nzambe. Ce n'est pas avec la pensée trinitaire. Ezali tena likanisa nzambe tatu. Amen. Ko kanisa nzambe mibale. To likanisa nzambe moko lokola mosafu. Bongo te. Oui, que Pasteur Branham dit qu'il était ni unitaire. Le commandement de Dieu a été motonzambe. Oui, donc quand j'insiste là-dessus, je vous donne aussi de la matière pour méditer. Pour nous devons vraiment savoir ce que le trinitaire quoi. Le trinitaire et le binitaire, au moins ça va encore. Mais la chose qui semble être un peu évasive, c'est la croyance des unitaristes. C'est là où se trouve un peu un problème. Donc, les Juifs ont cherché à faire mourir Jésus. Non seulement parce qu'il violait le sabbat. Non, mais parce qu'il appelait Dieu son propre père. Et en appelant Dieu son propre père, donc il se faisait égal à Dieu. Donc pour les Juifs, c'était pas que non, il était une deuxième personne de la divinité. Donc parlant du Fils de Dieu. Vous voyez pourquoi je lis dans questions et réponses sur la Genèse. Faites-nous un peu une idée sur la parole. Le Fils de Dieu. Le Logos. La parole. L'Iloba. Jésus reprit donc la parole et leur dit. En vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait, pareillement. Aïe. Yesu azongisi mwana kompe aloki na bango ete. Solo, najali koloba na bino ete. Mwana akoki kosala likambo ye moko te. Kasi bobele yango emoni ye tata ajali kosala. Zambi yango ekosala ye. Donc, nous c'est ça la tata, moi n'a pas, à quoi ça l'ango, et la moko, n'engue moko. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des choses plus grandes que celles-ci. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Zambi tata, aligi moi. Akomoni sa ye yonso ekosala kaye. Akomoni sa ye pe misala mileki oyo ete bino bokamwa. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Lokola tata akosekisa bakufi mpe akopesa bomoi, boye mpe mwana akopesa ka bomoi na bango elingi ye kopesa yango. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Tata j'allais qu'on s'ambisse à mon tôté, qu'assis à s'il qu'on pèse à qu'on s'ambisse à yon, ça n'est pas une moine. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et que yon, ça va koumis à moine, appelle à moko et qu'on koumis à bango tata. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Oyo a qu'on koumis à moine à te, a qu'on koumis à pe tata te, moutindi na ye. Vous voyez, quand les trinitaires lisent le Père l'a envoyé, vous voyez, le Père est resté sur le trône. Il a envoyé le Fils ici sur la terre. Que ce soit les binitaires, la même chose. Mais les unitaristes, c'est pire encore. Comment le Père a-t-il envoyé son Fils? Le Père a envoyé le Fils en entrant lui-même dans voilà pourquoi il a dit aux pharisiens, le Père qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul, il est avec moi. Et celui qui fait les œuvres que vous faites, si vous ne croyez pas en moi, en cause de la chair, mais croyez aux œuvres, parce que les œuvres que je fais rendent le témoignage de moi. Les œuvres que je fais, vous dites qui je suis. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Zambia, ça c'est l'écriture. Ça, c'est la Bible. Quand est dans les Bibles, je prends un peu ce serment de frère Manan. Jairus, le croyant en secret. Lui, au lieu de se faire voir, de manifester sa croyance, non, non, lui, il ne voulait pas que les gens sachent qu'il croyait, mais lui, il croyait en secret. Jairus. Le croyant en secret. Ceci était prêché le 4 juin 1955. Oh là là, j'ai un peu de retard pour allumer mon appareil, mais nous sommes là. On avance même. Donc je vois ici Jairus, le croyant en secret. Jairus, prêché le 4 juin 1955. Je vais lire juste la fin du paragraphe 31. Mais celui qui peut lire tout le paragraphe à la maison, c'est bon. Moi, je prends seulement la fin du paragraphe 31. Jairus, le croyant en secret. Eh bien, on ne doit pas suivre cet exemple-là. Nous devons confesser notre foi. Il faut que les gens se rendent compte que nous sommes des croyants. Jairus, le croyant en secret. Paragraphe 31. Écoutez ce que dit Frère Manan ici. Quand juste la dernière phrase. Quand une révélation de Dieu entre dans le cœur d'une personne, elle change tous ses motifs. Toute sa vie. Son appétit. Tout ce que la personne était autrefois est changé. Quand est-ce que cela arrive comme ça? C'est quand une révélation de Dieu entre dans le cœur de cette personne-là. Ou je dirais quand une révélation de Dieu entre dans votre cœur, mon frère, ou dans votre cœur, ma soeur. Écoutez, donc, cela change tous vos motifs. La révélation là qui entre dans votre cœur change tous vos motifs. Elle change toute votre vie. Elle change même votre appétit. Les choses que vous aimiez là. Tout ce que la personne était autrefois est changé. Vous voyez pourquoi une sœur, même si on lui dit qu'elle est démodée, Ça ne lui dit absolument rien. Il sait pourquoi il s'habille avec des sangs. Elle en a la révélation. Nous parlons de l'importance de la révélation. Ce n'est pas que non, dans notre église, on s'habille comme ça. Ce n'est pas la fête de l'église. Il s'agit de la fête de la parole. Oui. Donc celui qui a la révélation de la parole, il agit en fonction de cette révélation qui est entrée dans son cœur. Okay. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné. Dieu lui a donné. Je prends le serment, la révélation. Prêché le 4-12-1900. C'est la première partie du chapitre 1er de l'Apocalypse. Et la deuxième partie du chapitre 1er de l'Apocalypse, c'est que a prêché la vision de Patmos. Donc pour l'étude du chapitre 1er de l'Apocalypse, Prabhupada m'a prêché d'abord la révélation ou la révélation de Jésus-Christ et la deuxième partie, donc du verset 9 jusqu'à la fin du chapitre 1er, il prêche la vision de Patmos. Donc pour celui qui veut comprendre le chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, Prenez ces deux sermons de Frère Branham. La révélation et la vision de Patmos. Lisez ça calmement en demandant à Dieu à vous révéler ce choses. Vous verrez la profondeur qu'il y a là-dedans. Il faut la révélation. Écoutez ce que ça va nous dire. Je commence à lire au paragraphe 80. 80 jusqu'à 86. Quand notre Seigneur était sur terre, les disciples lui ont demandé, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est ce que je lis dans Acte 1er. Mais ici, Frère Branham, lui, est en train de parler. Quand notre Seigneur était sur terre, en tant que fils de l'homme, les disciples lui ont demandé, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Jésus répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. Personne ne le connaîtrait. Et à ce moment-là, pendant qu'il parlait, il dit, même le Fils ne le connaissait pas. Lui-même Jésus, quand il était sur la terre. Mais écoutez. Boyoka. Mais après sa mort. Kasi si mana kufana ye, son ensevelissement. Ye, sa résurrection. Ni fekwana ye, et son ascension dans la gloire. Na kembo, il a reçu de Dieu. Ayambi utana zambe, la connaissance de l'avenir de l'église. Boyebi, na oye koyali bosopo na eklesia. Il a reçu de Dieu. Azwa kitu ayambaki utana zambe. Avant, il ne connaissait pas ça. Liboso ya yebaki yangote. Il a reçu de Dieu. Ayambaki azwa ki utana zambe. Quand moi je dis que j'ai reçu ceci de mon frère. Soki na bebe tena zwi oyo utana ndeko na ngai oyo. Ça signifie que celui qui m'a donné ça. Ezali yende apesinga yango. Okay. Il a reçu de Dieu la connaissance de l'avenir de l'église. Alors, il est revenu apporter ce message à l'église. C'est quel message? Le message de sa venue et de l'état de ses églises à lui tout au long des âges. Son petit troupeau là. Comment il va se comporter tout au long de ces 7 ans. Donc depuis Éphèse jusqu'à Laodicée. Voilà. Il ne pouvait pas le faire avant sa mort. Son ensevelissement et sa résurrection. Car il ne les connaissait pas encore. Ça semble dur, mais c'est vrai. Oui. Parce qu'il ne connaissait pas encore ça. Car il ne le connaissait pas encore. Mais avez-vous remarqué ce que dit l'Écriture ici? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Paragraphe 84. Ainsi, Dieu le Père a donné la révélation à son fils Jésus-Christ. Dieu le Père. Zambe tata a donné la révélation a fait mon à son fils Jésus-Christ. Na mwana na Yesu Christo. Ça c'est ce n'est pas la pensée finie. On est allé faire la pensée finie. Parce que ceci c'est un rapport avec la divinité de Jésus. Bon et Tali bon Zambe na Yesu Christo. C'est un rapport avec la divinité de notre Seigneur. Tali bon Zambe na kola na Yesu Christo. Parce que certains pensaient vraiment avoir maîtrisé la divinité de Jésus. On se rend compte qu'il y a beaucoup de lacunes encore. Tout le monde y est tiens, mais comme nous nous allons le message encore de lacunes. Même sur la divinité de Jésus. Il colle na bon Zambe na Yesu Christo. Alors que c'est la plus grande des révélations. On est allé monter les monnaies. C'est la première de toutes les révélations. Et le croyant doit voir cette révélation de la divinité suprême de Jésus dans son baptême. Oui. Voilà pourquoi on a dit, voilà pourquoi nous baptisons pour le voilà, il dit pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur a dit. Allez, à toutes les nations, faites de l'Église. Mais le jour de Pentecôte, la révélation est venue. L'apôtre Pierre dit, répandez-vous. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Juifs. Bayuda. Ce qui les confie à Jérusalem. Pour vos enfants, juifs. Et pour tous ceux qui sont au loin. Même ici en RD Congo. Dans les tabernacles des chrétiens. Parce que l'évangile du Seigneur est prêché. L'évangile du Seigneur est prêché. Voilà pourquoi chacun doit être sur ses gardes. Bon, dans ce que je dis, j'attire votre attention. Je suis dans la matière un peu pour que chacun puisse ça, je vais fouiner encore un peu. Glaner dans le champ de bois. C'est la travaille. Il a glané vraiment. Il va faire ce soir, il va se réveiller. Et revient encore, il a travaillé. Il a travaillé. Travaillez à votre salut. Avec crainte et tremblement. Car Dieu est aussi un feu. Si vous êtes nonchalant, vous allez vous attention. Ok, attention. Je suivais l'autre jour, je ne sais plus c'était quel jour, quand le pasteur devait introduire l'adoration, il dit, voilà, maintenant vous avez écouté la parole, maintenant quand il faut la prière, maintenant... Il nous suit pas. Dans ce que vous dites. Non, vous allez koloba. Dans les actes que vous posez. Non, mais ça, vous allez koloba. Soyons sur le garde. Marchons avec circonspection. Oui, que notre conduite soit circonspecte. Ainsi, Dieu le Père Lambetata a donné la révélation à son fils Jésus-Christ. Et lui, Jésus-Christ, après avoir reçu du Père, Jésus-Christ, il envoya son ange à Jean, son apôtre, pour indiquer ces choses qui sont et qui seront. Et cela est admirablement exposé dans le livre de l'Apocalypse. Et Dieu nous aide. Surtout vous et moi. Dans cet âge de l'Odyssée, c'est dans cet âge que ceci s'accomplit. Mais j'avance encore un peu. Donc là, j'ai lu 84. Or, dans cet âge glorieux qui vient, donc que Jean a vu donc, dans le millénium, cette révélation lui a été donnée uniquement pour dévoiler le dessein particulier de Christ. Ce qu'il serait et quelle serait son apparence dans chaque âge. Quelle sera l'apparence de Christ dans l'âge d'Éphèse? Quelle sera son apparence dans l'âge de Smyrne? L'âge de Pergame? Ainsi de suite. Et quelle sera son apparence dans l'âge de la Odyssée lequel nous avons? Alors si vous n'avez pas la révélation de cela, alors vous voyez, beaucoup de choses vous échapperont. 85. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, gardez votre pensée fixée sur la vraie Église. La vraie Église commence le jour de Pentecôte. Donc, nos églises, nous devons les comparer à cette Église-là. C'est l'étalon de mesure. Pour voir si nous, en tant qu'Église, nous fonctionnons comme eux avaient fonctionné. Si moi, croyant, je crois et je vis la parole comme eux avaient vécu la parole. Parce que si tel n'est pas le cas, alors c'est grave. Parce que c'est l'étalon de mesure. 86. Il n'y a aucun théologien. Et il dit de la Bible Moyebi malamu na Biblia. Moyebi malamu, oui. Tout historien. Tout motu na maswazi, masolo mingi. Masolo. Qui pousse jamais dire que l'église a commencé au jour de Martin Luther. Alors, bah, écoutez, bah, n'est-ce pas, de Martin Luther, bon côté. Ou de Wesley. Tout motu na Wesley. Ou de l'âge pentecôtiste. Tout, y'a pas ton acquitté là. Non, non, ou de l'âge catholique. Tout, n'est-ce pas, ou y'a pas moupé. De l'âge de Tatir. Tout, n'est-ce pas, bon. Ou à tout autre âge. Tout, n'est-ce pas, l'église a été inaugurée le jour de c'était le commencement. Aussi, ainsi, lors d'une discussion avec qui que ce soit, parlant de l'église, restez à cette porte-là de Pentecôte. Et ils ne pourront aller nulle part. Parce que la véritable église du Seigneur Jésus a été instituée le jour de Pentecôte. Et Satan connaît ça pertinemment bien. Ouais, pourquoi son esprit est entré pour attirer l'église. Et toutes les manifestations qu'il y avait au commencement ont disparu de l'église. Et l'église est devenue tiède. Et l'église est froide. Ça c'est l'œuvre du diable. Dieu avait un plan de restauration. Alors, si ce message que nous croyons, c'est le message de la restauration, donc c'est que notre expérience, nous devons la comparer à l'expérience de ces croyants. Pas d'une grande église de la ville, ou d'une grande église qui est aux États-Unis, ou non en Allemagne. Oh, dans beaucoup d'Allemagne. Non, si vous n'êtes pas connecté avec Franck, vous ne serez pas en Allemagne. Donc, qui vous de vos Francs, vous connaissez dans la matière, voilà, vous tombez qui. Vous allez vous tombez qui. C'est pas du banditisme. Oh non, il n'y a que seul ministère qui est connecté à celui de Frère Franck. Vous allez vous bêler, ma tombe au mitan, et quand même, de vos Francs. Un seul ministère. Vous allez vous bêler le tombe au moko. C'est celui de Franck. Vous allez vous bêler vos Francs. Tous les autres ministères. Bah, le tombe au sont connectés à celui de Franck. Bah, quand même, il de vos Francs. Vous allez vous tombez qui. Frère Madame dit ici. Dans chaque âge, Dieu suscitait le messager. Et c'est lui qui a porté le message principal de l'âge. Et à côté du messager, Dieu suscitait des merveilleuses auxiliaires. Vous avez appris le départ du messager. Et ces auxiliaires là, ont apporté la même flamme que le messager. Mais vous allez nous dire que non, non, non, non. Bon côté. Tout celui qui a un appel divin, qui a un mandat divin, son ministère est connecté à celui de William Aaron Branham. Même Evald de Franck lui-même, son ministère est connecté à celui de Frère Branham. Moi je l'ai écouté la première fois, en 1984, à Rigini 206. Il prêchait avec deux interprètes. Le frère Kabasele qui l'a interprété en français. En français. Le côté français. Ok. Et le pasteur Gamalando qui est en Angola qui interprétait à Lingala. On va dire Gamalando allait au Louvain à Lingala. Il a dit, I'm not a prophet. Alors Lingala n'a jamais monté. Alors qui pour Lingala n'a jamais monté politique. But I have a ministry. Alors Lingala n'a le tombo. Which is connected. Oui, quand même. With the ministry of the prophet. Non, le tombo où il a monté politique. Il parlait de lui-même. On a voulu monter à Yemoko. Est-ce que ça signifie que il n'y a que son ministère qui est connu? Alors le Louvain qui est dans le tombo n'est quand même n'avait pas bon. Lui est un auxiliaire de Frère Branham, comme tous les autres auxiliaires. Le corps va sous-sous. Mais au moins, kasi, à chacun, kasi na moto na moto, Dieu a donné sa tâche. Zamba, pensi mosala na ye. J'ai dit à un prédicateur, qui est presque vivement un anti-franc. J'ai dit, même si vous faites les voyages missionnaires dans un pays, vous allez vous comparer à quelqu'un qui a voyagé dans 155 pays. Dans bon, le monde, vous prêchez la parole. Non, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais ayons-moi du respect. Vous allez dans lui-même, je suis pas d'accord avec lui, mais je peux pas le vilipender. Mais aujourd'hui, le respect n'existe pas. Des croyants qui parlent n'importe quoi. Ils parlent même des serviteurs de Dieu. Avec légèreté. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous assiste. Donc là, c'était 86. Je saute un peu, je vais à 101. Par exemple, 101. Écoutez encore. Ah, ok, j'ai encore un peu de temps. Les esprits charnels ne peuvent comprendre ces choses glorieuses de l'Écriture. Parce qu'elles sont folies pour eux. Mais ceux qui aiment la parole de Dieu, l'Église avec E majuscule, donc l'épouse, c'est pour eux que ce livre a été écrit. Croyez-vous que ce livre a été écrit pour vous? C'est pour eux que ce livre a été écrit. La révélation de Jésus-Christ à l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, ainsi tout au long des âges. La révélation de Jésus-Christ à l'église. Le bonhomme dit, j'aime cela. Ah. Ouais, la révélation de Jésus-Christ dans l'âge de Fès. La révélation de Jésus-Christ dans l'âge de Smyrne. Dans l'âge de Thyatire. De Pergame. Pergame. De Thyatire, de Sardes, de Philadelphie. Et la révélation de Jésus-Christ dans l'âge de Laodicée. Elle est Laodicée. Pour vous et moi. Pour la bino nangai. Le commandement de Dieu est ngai la ligne. Révélation de Jésus-Christ. Et mon Seigneur Jésus-Christ. À son église. Mais l'église où il l'a fait dans chaque âge. À cela qui on le connaît son église. Nous sommes dans le dernier âge. Vous allez quoi souka? C'est l'âge final. Alors, comme cela final, soyons sur nos gardes. Parce que l'ennemi ne se voue pas vaincu. Donc, je ne dis matin que tu es selon la qui. Que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes nous autres de la chair. Que nous commettons encore des erreurs. Vous avez posé la mabunga. Baptisé du Saint-Esprit. Nous commettons des erreurs. Posé la mabunga. Comment ça? Oui. Bon, tu vas nous dire que le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit. C'est pas la perfection. Ils allaient kubunga bête. Vous pouvez commettre une erreur. Vous posez la mabunga. Mais. Kasi. Immédiatement. Balamoko. Parce que la parole est en vous. Le baptême de la faiblesse de la chair peut vous amener à faire. Mais immédiatement. Balamoko. Vous reconnaissez que ça c'est faux. Vous allez c'est contraire à la parole. Et quel est vous vous humiliez. Seigneur. Polo. Tu confesses ça. Tu regrettes ça. Oui, et tu confesses ça. Confesser, c'est dire la même chose. Pour que cela soit plongé dans le sang de Jésus. Le puissant détergent pour nous. Il décompose le péché dans ses conscients. Et le renvoie à son auteur. Et moi je marche plus que vainqueur. Lavé dans le sang de l'agneau. Que Dieu nous aide. Et quand nous sommes sous le sang, c'est une réalité. Par notre foi dans ce message, nous sommes sous le sang. Alors profitons, non? Profitons de ce sang. Portons toutes nos erreurs, nos faiblesses, nos manquements. Amenez ça. Le jour d'adoration, c'est pour ça que nous sommes là. Allez pour répandre le cœur. Seigneur, moi je suis encore comme ça. Amen. Seigneur, moi comme ça. Porte ça. Seigneur, moi comme ça. Enlève mon cœur. Parce que vous savez que c'est que je fais ici. Amen. Amen. Amen. C'est vrai. Tout ce qui est contraire à la parole. C'est faux. Ils allaient m'abeille. Mauvais. Ils allaient. Tout ce qui est conforme à la parole. Oui, pour qu'un c'est bon. Il y a moins d'années, ils allaient malamou. C'est bien. Voilà. C'est pourquoi notre attention doit être toujours fixée sur la parole. Vous qui venez d'autant, on a son beau bel donc, nous sommes focalisés sur la parole. Vous allez côté la mingi, mingi, côté la mingi, l'iloba. Le premier verset. Chapitre 1er ici. Donc le premier verset dit l'Apocalypse. C'est le dévoilement de Christ. La révélation ou le dévoilement. Oh, comme le dernier âge. Et la venue du Seigneur. Ont été cachés aux apôtres. Ils ont posé la question. Mais un seul a vécu pour avoir la la révélation. Ces gens. Dans l'île de Patmos. C'est dans l'Écriture, ce livre de l'Apocalypse. Donc le seul qui est resté. C'était Jean. De tous les apôtres. Jean. Et Dieu a fait ça parce qu'il devait avoir cette révélation. Okay. Donc celui qui a vécu pour avoir la révélation. Et encore. N'a-t-il pas compris? Est-ce qu'il a compris vraiment la révélation? Parce que quand cela lui était donné, on peut dire que lui était révélé. Mais en symbole. Parce que vous voyez la vitalité. C'était une révélation. Mais en symbole. Vous voyez, que cela attende le dernier âge de l'Église. Ok, pour que le site ce soit. Et que tous les mystères de la Bible, de la Genèse, à l'Apocalypse, soit octroyé à l'épouse. Et puis ça m'a amené dans les balles. Il n'est pas entendu ça. Il n'a pas trouvé la coyote en côté. Tous les mystères. Tout ce que Dieu avait à révéler à son épouse à travers les sept sceaux, cela a été donné à l'épouse. Et frère Branham dit, tout ce que Dieu avait à donner à l'épouse se trouve dans ce. La communication, c'est quoi l'enlèvement? Là, que l'on a dit, tout ce que j'ai touché pendant toutes ces années, c'était pour préparer le fait à recevoir le message. Et maintenant, le voici. C'est cette chose ouverte. Donc, le message du septième ange. Pourquoi j'ai dit dans mon introduction, qui sont ceux-là qui lisent quand même là. Ce livre, combien sont ceux-là qui lisent? Si vous sentez que l'ennemi vous enlève la force pour lire la parole, la force pour prier, demandez à Dieu. Dans le nom de son fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur, il nous a dit tout ce que vous demanderez au Père, je le ferai. Tout ce que vous demanderez au Père, je le ferai. Afin que votre joie soit parfaite. Ok. Donc je rentre encore dans la révélation. Je suis toujours dans la révélation. Je prends, parce que j'ai lu le paragraphe 106 ici. Ok. Yo. C'est là où je suis d'ailleurs. Oui. Donc, comme le dernier âge et la venue du Seigneur ont été cachés aux apôtres, ils ont posé la question. Ce qu'ils ont posé dans Acte 1er. Mais un seul de tous les apôtres a vécu pour avoir la révélation. Et encore n'a-t-il pas compris? Non, parce que l'histoire ne s'était pas encore faite. Quand Jean a reçu cette révélation dans l'île de Patmos, beaucoup de choses qu'il a écrites là ne s'était pas encore accomplies. Mais vous et moi, dans l'âge de la Odyssée, avec l'ouverture de cette chose, nous voyons clairement bien l'église. Comment l'église a commencé? À la Pentecôte. Comment elle est tombée? Et comment Dieu relève son église? Comment Dieu restaure l'église? Et dans cet âge de la Odyssée, qu'est-ce que nous tenons? Nous voyons les choses qui se sont. Nous voyons les choses qui se produisent maintenant, et nous voyons clairement les choses qui doivent apporter, parce que nous sommes à la fin. Donc quand nous regardons en arrière, nous voyons d'où l'église est venue, par quel chemin l'église est passée, et où se trouve l'église maintenant, et à quoi l'église se prépare maintenant, et qu'est-ce qui vient après que l'église fera éternellement. Tout ça est admirablement exposé dans le livre de l'Apocalypse. Tout est détaillé. Mais il faut la révélation. Sans révélation, alors ces choses vous passeront toujours par-dessus la tête. Je vais au paragraphe, au chapitre 22, qu'est-ce que je dis? Chapitre 22 de l'Apocalypse. Le dernier chapitre. Apocalypse chapitre 22. Verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu ces choses, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, le prophète, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. L'adoration, c'est à Dieu seul. Celui qui est sujet d'adoration. Ngai yowani moto na yokaki mpe na mona ki makambo oyo wana yokaki ngai pe mona ki ngai na kwei kosambela liboso ya makolo na mwanje oyo atalisi ngai makambo oyo vraiment alobi na ngai ete tika tika ngai na jali mombo moninga na yo pe na bandeko na yo basakoli na bango batosaka maloba na mukanda oyo sambela nzambe sambela nzambe adore Dieu. Toute l'adoration c'est à lui seul. Et le nom de la rédemption. C'est Jésus. Et maintenant on remplace le nom de Jésus par William Branham. C'est un manque de révélation. Oui. Un manque de révélation. Verset 16. Moi Jésus. Donc, il se présente, non? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Bon, dans les sept âges de l'église. Je suis le restant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Gaïesu, na tindi mwanje na ngai, kutato la nabino makambo oyo katina mangomba. Ngai sinape libota na Dawidi, moto Moko kitana kitoko na tongo tongo. L'étoile brillante du matin. On a lingala avec ça toba monzoto oye kongenga na tongo tongo. Voilà. Donc l'homme a toujours tendance à adorer. Donc quelle de personnalité. Ko sambela bobele babato mususu. Peu importe la manière dont Dieu utilise un homme. Attends, le lingani nzamba ko sale la moto. On ne peut pas l'adorer. To ko ki ko sambela ite. Nous devons glorifier le Dieu qui l'utilise. Et c'est quoi kuni nzamba zale ko sale la moto. Allez bobele sale likati na maboko na nzambe. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Nzambe akabola ka kembo na moto te. Oh que Dieu nous aide. Nzambe asunga biso. Pour que nous voyons vraiment combien la révélation est importante. Vous voyez que Jean, l'ange que le Seigneur a envoyé, pour lui montrer ces choses, il voulait tomber devant la ville garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Nazali Moussali Naïo Elongo. Compagnon de service. Et celui de ses frères, les prophètes. Alors, comme on a dit, donc cet ange était un prophète. Moi, je n'ai pas à Zalali Moussakoli. Et dans le message aujourd'hui, on dit, ah ouais, donc cet ange était frère Branham. Moi, je n'ai pas à Zalali Moussakoli. Ouais, les prédicateurs. Il balance comme ça, et les gens croient aussi, ils s'en vont. Ouais. Je suis ton compagnon de service. Nazaré Moussel Noël Longoya Moussala. Je suis frère le prophète. C'est où il y a vendu qu'on va s'accoler. Il est ce qui garde les paroles de ce livre. Moussel Fema Zalé Kobatila, ma camboya Bukoyo. Adore Dieu. Sambe la Nzambe. Sambe la Kaka Nzambe. Amen. Yé Kaka. Obele Yé. Ok. Je lis au paragraphe 111. Nazaré Koutanga Mokama Azomi Namoko. Bien. Le premier verset du premier chapitre. Molongo ya yambo ya mokapo ya yambo a été présenté à Jean. Et ça ne pas na Yohane. Mais qui est l'écrivain? Nana zali mokomi. Jean. Ezali Yohane. Il ne s'agit pas d'une révélation de Jean. Ezali kotale la monde na Yohane te. Mais nous savons que ce ne l'était pas. Parce que c'était la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Jean avait été choisi comme disciple. Yohane apona maki lokola mo yekoli. Et le livre lui-même nous révèle la chose. C'est Jésus-Christ qui est révélé. Et cette révélation-là, il l'a signifié en l'envoyant par son ange à son esclave Jean. Écoutez, frère Branham, nous ne savons pas qui était cet ange, qui était l'ange. La Bible ne nous dit pas qui était l'ange. Biblia elle veut dire moi je donc on n'a pas à faire des conjectures. Non non. Wana zale makamoku. On ne s'appelle frère Branham. Et vous allez dire papa. Ça vraiment. Hein? Nous ne savons pas qui était l'ange. Oui, bah, qui témoin, je vois, la Bible ne nous dit pas qui était l'ange. Biblia, le Bible, témoin, je vois, mais nous savons que c'était un prophète. Parce que, plus loin, la Bible dit, ce que j'ai lu, donc, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses qui doivent venir bientôt. Oui. Et puis nous découvrons que lorsque Jean a commencé à adorer cet ange, l'ange dit, garde-toi de le faire. Il dit, je suis ton compagnon de travail et celui de tes frères les prophètes. Ça aurait pu être Élie. Donc ce prophète-là, ça aurait pu être Élie. Ça aurait pu être l'un des prophètes. Mais ce n'est pas William Branham. Ce Branham n'a pas dit ça. Mais il dit que cet ange était un prophète. Je suis le compagnon de tes frères, les prophètes. Je sais qu'il était prophète. Jean était apôtre. Mais ce prophète fut envoyé. Et Jean étant un apôtre, considérez le caractère de ces autres épîtres. Lisez 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. C'est la preuve que ce n'était pas Jean qui a écrit ce livre de l'Apocalypse. Parce qu'elle n'est pas à la manière de Jean. Prenez 1 Jean, 2 Jean, et lisez-le. Observez le caractère de l'Apocalypse. Jean écrivait, il était un apôtre, mais ici, c'est l'esprit d'un prophète. C'est une personne totalement différente. Donc ce n'était pas les écrits de Jean, ce n'était pas la révélation de Jean, c'était la révélation par Dieu de Jésus-Christ. Il y a Jésus Christ. Révélation par Dieu. De Jésus-Christ. Pour Jésus Christ. Parce que cette révélation-là, il a reçu de Dieu, non? Révélation de Jésus-Christ. Et Dieu lui a donné. Ça la pensée que je ne c'est ça qui se développe. Donc chacun en lisant maintenant, vous passiez ça rapidement. Maintenant en lisant, vous dites, révélation de Jésus-Christ. Et mon Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. Oh, yon zambé, a si l'ko fait ça, Dieu lui a donné ça. Zamba, pété, après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension dans la gloire. Donc quand il était ici sur la terre, il ne connaissait pas l'avenir de l'église. Mais après sa résurrection, son ascension dans la gloire, il a reçu cette révélation du Père. Maintenant, il a envoyé son ange à Jean pour révéler ces choses. Voilà, c'est ce qui nous est relaté dans le livre de l'Apocalypse. Et nous sommes dans l'âge de l'Apocalypse. Pour tous les symboles du livre de l'Apocalypse, nous ont été interprétés par le message. Donc chacun de nous peut prendre le livre de l'Apocalypse, vous lisez le livre du premier chapitre jusqu'au chapitre 22, tout est clair devant vous. Mais il faut la révélation. Sans révélation, vous lisez, vous trouvez toujours du bleu, du rouge, du noir, Moïdo, du violet, Mkuta, mais avec la révélation, vous prenez le livre Mkuzabuku, du premier chapitre Mkuzabuku, jusqu'au dernier chapitre. Ino Yasuka, tout est clair. Nyoso, ce sont les choses qui doivent arriver. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Les choses qui peuvent. Parce que la parole de Dieu est infaillible. Elle est vraie. Elle doit s'accomplir. Telle que Dieu l'a annoncé. Les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Donc tu n'as qu'à manger, n'a rien à son serviteur Jean. Non, mon bonheur Yohane. Lequel donc Jean? Jean a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a dit. Vous verrez que ce bonhomme dit dans le sermon la marque de la bête, tout le livre de l'Apocalypse est une vision. Lisez seulement. Écris à l'ange de. Écris à l'ange de. Écris à l'ange de. Écris à l'ange de. Après cela, j'ai regardé. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. Chapitre 5. Puis je vis. Dans la main droite, celui qui est assis sur le toit. Le livre écrit en dedans et en dehors. Chapitre 6. J'ai regardé. Quand l'agneau ouvrit l'un des seaux. Et il voyait. J'ai regardé. Quand l'agneau ouvrit. Et quand il ouvrit le deuxième seau. Troisième. Et quand il ouvrit le septième seau. Il vit dans le ciel le séance. Il la chimia. J'ai regardé. Le cinquième ange, chapitre 10. Je vis un autre ange poussant. Donc il voyait. En me donnant un roseau pour mesurer. Un grand signe paru dans le ciel. Chapitre 13. Puis je vis monter de la mer. Voilà. Puis je vis. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Chapitre 14. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne. Avec les 144 000. Ce ne sont pas les gens des nations. Ils allaient battre la bouteille. Ce sont les Juifs. Ils allaient Bayuda. Vous continuez. Chapitre 15. Puis je vis Chapitre 16. Et j'ai entendu une voix forte qui venait. Chapitre 17. Puis un des sept anges. Donc vous lisez, donc c'est le style, jusqu'à la fin. Donc vous lisez du premier chapitre jusqu'au chapitre 22. Vous voyez cette grande révélation que notre Seigneur Jésus a reçu du Père et qu'il nous a envoyé par l'envoi de son ange à notre frère, son apôtre Jean, dans l'île de Patmos. Et aujourd'hui nous avons cette révélation avec le message du septième ange, comme les sept choses sont ouvertes, toutes ces vérités sont dévoilées. Et c'est notre nourriture. C'est notre nourriture spirituelle. Il est à Molimo. Nourriture spirituelle autant qu'on veut. Il faut manger. Et si vous ne mangez pas comme il faut, vous allez coller à l'olenge bongite. Même dans le naturel. Attends, pour motoboye. Notre santé naturelle. Nous autres, on a vu de colons qu'on a. C'est pas en grande partie de ce que nous mangeons. En dame, vous allez coller la nuit, vous allez coller. Même les nutritionnistes disent que les meilleurs médicaments sont les aliments. Malé, ça va l'objeter. Les meilleurs médicaments. Bondo, tout ça, madame, vous allez vous les coller. Ils allent biler. Parce qu'il n'y a pas de poison là-dedans. On a un bon deux alité. Mais tous les produits pharmaceutiques que nous prenons. Nous connaissons, va te kakunana. Nos reins sont même exposés. Voilà. Ça met des dépôts dans les reins. Ils allaient coucher une dose de poison, antidote. Ils allaient bondo. Une dose de poison. Mais les aliments que Dieu a créés, les fruits, les légumes, quand nous mangeons, c'est en ordre. Et nous devenons physiquement ce que nous mangeons. Et qu'en est-il alors spirituellement aussi, nous devenons ce que nous mangeons. Vous allez Mais si vous ne mangez pas comme il se doit, vous allez on donne la nourriture, vous allez voir la mauvaise condimba. Après, Alléluia. C'est comme un pasteur qui prêchait là. Il allait coller à monter à mon côté. Un peu de prêcher là. Ouais, côté à côté. Il entend. Si la toiture. Ah, ok, kunana. On a jeté une pièce sur la toiture. Baba Kilibanga. Alléluia, alléluia. Oh, quel alléluia, monsieur. Aussitôt qu'il a le bon mot, alléluia. Non. Hein? Il ne fallait pas aussitôt qu'a dit. Il fallait regarder quand ça s'en allait au commun. Mais aussitôt qu'il a le bon mot. Alléluia. Oh, là, on va même dire. Ah, moi, je ne sais pas même. Non, que Dieu nous aide, vous voyez. Donc, il peut dire des choses qui vous font rire. Après, il dit des choses qui vous font qui vous donne la tristesse. Ah, vous pouvez me le péché, bien ma voix. Même des choses qui vous donnent la colère. Pourquoi ça? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Parce que celui qui connaît le cœur de Dieu. Celui qui distribue la parole à celui-là. Alors je termine avec le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Amen. Kosakola oyo, seba oyo, batosi makambo masili, kokoma makati na yango, poete elaka ejali pene pene. Car le temps est proche. Frère Banam dit, de quoi le vieux était? Dieu tient ses promesses de bénédiction. Damba kokokita bilaka na ya mapamboli. Tout comme ses promesses de malédiction. Fena bilaka na ya bilak. Il tient ça. Alors, vous devez choisir vous-même. Ce que vous voulez. La bénédiction de Dieu. Okay. En obéissant à la parole. En mettant la parole en pratique. En croyant la parole. Et la mettant en pratique. Ou alors, la malédiction. Le bonhomme dit, en pervertissant la parole. Parce que le pervertisseur de la parole, c'est le diable. C'est Satan. Qui pervertit la parole. Alors, quand quelqu'un pervertit la parole, c'est qu'il est sous l'influence du diable. Et il est sous la malédiction du diable. Jésus ne sera pas contre ça. Je vais vous parler clairement. Dieu tient ses promesses tant de bénédictions que de malédictions. Alors chacun doit choisir. Heureux celui qui lit. Quand vous savez lire, vous lisez. Et ceux qui entendent. Quand vous ne savez pas lire, vous entendez. Les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Le temps est proche. Je termine avec ça. Okay, parce qu'il est bientôt 19h. Donc, je lis la dernière citation ici dans la Révélation toujours. Paragraphe 115. Maintenant, lisons le troisième verset. Il annonce les bénédictions. Oui. Écoutez. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Pas comme des auditeurs oublieux. Vous entendez, vous vous réjouissez de la parole, mais après, Non, cher frère. Il faut que la parole demeure. La parole doit demeurer dans le monde. Il faut la méditer constamment. Pour agir conformément à ce que la parole nous dit. Et quand quelque part vous agissez mal, humiliez-vous seulement. Amen. Reconnaissez votre tort. Frère Branham dit, le chrétien, c'est celui qui, quand il a mal agi, il s'humilie. Il reconnaît son tort. Il dit, j'ai tort. Pardonnez-moi. Ah oui. Ça n'écoute rien. Amen. Mais les gens s'imaginent que s'il va demander pardon, oh, mais qu'est-ce qu'il va voir? Il va dire que moi, je suis dans en bas. Oh, papa. C'est celui qui s'abaisse. Celui qui sera élevé. Amen. Mais celui qui se lève là, a de la cacate. Amen. Donc tu seras mal aimé tes mains. Bamba y en a fait pendant la bamba. Ok. Donc là c'était 115. Car le temps est proche. Et quel temps est proche? Le temps où ces choses s'accomplissent. Lorsque cette révélation de Jésus-Christ est achevée en chaque âge de l'Église. Vous voyez que dans chaque âge, Dieu a donné le message. Dans Éphèse, Pergame. Et vous et moi, c'est l'achèvement. De l'Église de Dieu vivant. Donc nous vivons dans un moment particulier. Alors, ne soyons pas distraits. Fixons vraiment nos Dieu sur la parole. Croyons de tout notre cœur. Croyez la parole avec tout ce qu'il y a en vous. Avec tout ce qu'il y a en vous. Oui, oui. Donc soyez-en convaincus. Convaincus. Et ensuite, concerne. Si tu es convaincu vraiment, que c'est la vérité, et tu agis en fonction de ce parent, eh bien, les choses qui sont dites là, les promesses là, mais c'est pour vous. Bila kawane, ça vous concerne. Autrement, je crois que chacun tirera son plan, chacun. Comme les animaux disent que, il y a un plan. Chacun va tirer sa conclusion. Que chacun tire. Or ici, on n'a pas de conclusion à tirer. Mais nous avons la parole. Et nous marchons avec la parole. Et nous disons amen à la parole. C'est amen. Hein? Ok, que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Je crois que chacun a suivi religieusement. Attentivement. Particulièrement. Avec l'amour de la parole dans le cœur. Pour voir la continuité de la vérité. Et de l'amour de Dieu. Envers nous ses enfants. Tout ceci, c'est l'expression de l'amour de Dieu qui nous a aimés. Et c'est cet amour qui nous sauve, qui nous rachète. C'est cet amour qui nous pardonne. Amen, amen. Il n'a pas eu l'intention de créer des ismes. Du brananisme opposé au franquisme. Du tonnerisme opposé au non-tonnerisme. Et toutes ces histoires là que les gens charnels sont venus introduire dans le milieu du message, mais la vérité de Dieu est en marche. Nous ne sommes ni d'un bord ni de l'autre. Nous aimons Jésus-Christ et la vie chrétienne. Nous aimons la délivrance que lui nous donne. Il est pour nous l'auteur d'un salut parfait et il guérit parfaitement chaque maladie. Sa puissance accompagne l'église pour que les portes de ce jour de mort ne prévalent point contre elle. Attachons-nous à la révélation de Jésus-Christ. Ça se soit au jour du baptême du Saint-Esprit. Comme on se l'était rappelé encore hier. Vous avez vu l'impact de la révélation revenue. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous avez raté. Et ceux qui n'étaient pas là mercredi, vous avez encore raté. Et quand il y a des ratés et des ratés comme ça, quel genre de disciples accomplissez-vous? Dans les Écritures, ils étaient chaque jour assidus au temple. Persévérants. Dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient tous une seule âme. L'unité ne se forçait pas. Parce qu'ils avaient reçu la même visitation céleste. Le même esprit de Jésus-Christ. Ils voulaient le recevoir chacun pour sa part. Ils étaient un seul cœur. Une seule âme, dit la Bible. Et nous sommes dans l'âge de restauration. Les esprits manifestent chacun leur nature. Ceux qui sont de Dieu s'assemblent. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Ceux qui aiment la vérité se retrouveront. Ceux qui aiment la vraie révélation se retrouveront ensemble. Et livrés est en train aussi d'être rassemblés. Ils forment un bloc, une race perverse des gens. Qui inventent n'importe quoi, n'importe quelle chose qu'ils vont appeler révélation, et ils se mettront à imposer ça aux autres. Vous trouvez ce genre de choses parmi les frères qui ne jurent que par le nom de frère Jacques, et vous trouvez ce genre de choses parmi les frères qui ne jurent que par la doctrine de la révélation de cette tous ont une même maladie. C'est la difficulté de répéter correctement ce que disent les bandes. Soit ils retranchent une partie pour ne choisir que les choses qui conviennent à la croyance particulière, soit ils ajoutent des choses en toute impunité et par audace. Et ils sont difficiles à corriger les erreurs. Quand ils ont commencé, ils s'y approchent d'année en année. Un enfant de Dieu ne s'opposera pas à la vérité. Il n'a pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons de puissance que pour soutenir la vérité. Béni soit le Seigneur. Et vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ en homme. Quand il était sur la terre, il y avait des choses qu'il ne connaissait pas. Même dans le ministère qu'il accomplissait, il dépendait de l'Esprit du Père. Là, en tant qu'homme, il y avait des limitations. Voyez ça? C'est ainsi qu'il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc le Père est plus grand que le Fils. Mais tout ceci n'est pas de l'eau donnée au moulin de Trinité. De dignité. De ceci et de cela. Loin de là. Tout ceci, ce n'est pas de l'eau donnée à ces moulins-là. Loin de là. Mais c'est la parole révélée. Pour les élus, la vraie église. Et quand ils prennent, ils accèdent à ça, c'est leur bénédiction. Et la parole est scellée dans le cœur de bénédiction. Êtes-vous l'un d'eux? Aimez-vous cette vérité? Allez-vous vous y attacher? Croire le message tel qu'il nous a été laissé. Pas ajouter ces doctrines particulières et nouvelles qui sillonnent et circulent ça et là. On invente des histoires, on impose des gens, on crée des systèmes comme étant les moyens d'identification et de regroupement. Oh, si vous ne mettez pas la connexion à Krefeld, vous n'êtes pas des vierges sages, vous êtes des vierges fortes. Où est-ce que les bandes du prophète ont déclaré des choses pareilles? Et quand vous les dites, vous répétez quelle bande? Mais les gens les disent avec beaucoup de courage. Prêt à couper les relations avec les autres. Honte à eux! La vérité du Seigneur sera à marche. Dieu n'est lié à aucune perversion, à aucune falsification. Dieu n'est lié qu'envers sa propre parole. Seulement la vérité que lui-même nous a laissé. Il n'est lié qu'à cela. Qui dit amen? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et alors, tenons-nous debout. Nous allons prier. Il y a un mot que j'ai gardé ici. C'est un mot de remerciement. Je ne sais pas où est-ce que ça s'est glissé. Bon, voilà, peut-être que c'est tombé quelque part. Non, ça y est, là, j'ai retrouvé. Merci. Gloire à Dieu. Donc, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Après sa mort, son ascension au ciel, le message de sa venue a été apporté en détail et donné à celui-là à qui il avait dit, quand on a demandé, mais celui-là, Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Mais si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce qu'importe? Et il a vécu seul lui Jean, dans que tous les 12 apôtres, le plus longtemps il est resté le seul survivant des 12 apôtres pour recevoir le message de la bénédiction. Des révélations que les autres apôtres n'avaient pas connues pendant leur ministère jusqu'à leur mort. Mais lui-même Jean ne pouvait pas tout comprendre parce que c'était des visions mystérieuses. Et l'Apocalypse est un livre de symboles, plein de symboles mystérieux. Et que l'aigle du temps de la fin serait dévoilé pour donner aux enfants de Dieu, aux élus de Dieu, la connaissance du mystère du royaume, la portion cachée de la fondation du monde, et qui n'était réservée qu'au temps de la fin, quand le livre sera ouvert pour que la connaissance augmente. Béni soit le Dieu fidèle. Allez-vous l'adorer, lui seul? Pas frère Branham, pas un autre serviteur. Adorons Dieu seul. Attachons-nous à sa vérité et gardons la lumière telle que nous a été laissée. C'est celui qui aime ça, dit amen. C'est celui qui aime le message de sa venue, dit amen. C'est celui qui aime la puissance de Dieu, dit amen. Que la gloire du Seigneur visite ta vie et que l'impact de la révélation divine se parvienne. Nous ne sommes pas dans l'âge de somnolence et de sommeil. Nous sommes dans un âge d'un puissant réveil. Pour rien ne peut nous refroidir, ni la maladie, ni le combat, ni les épreuves, ni les tribulations. Rien ne peut nous refroidir. Le feu qui nous réveille est intarissable. Est-ce que l'Église dit amen? Le feu dont Dieu nous réveille est un feu intarissable. Mets mon âme en feu, Seigneur, mets mon âme en feu, amen, pour la mort de Jésus. Mets mon âme en feu, mets mon âme en feu, Seigneur. Pour la mort de Jésus, mets mon âme en feu. Oh, mets mon frère en feu, Seigneur, mets mon frère en feu. Oh, la mort de Jésus, mets mon frère en feu, mets mon frère en feu, mets mon frère en feu. Oh, la mort de Jésus, mets mon frère en feu. Mets ma sœur en feu, Seigneur, mets ma sœur en feu. Oh, la mort de Jésus, mets ma sœur en feu, en feu. Mets ma sœur en feu, mets ma sœur en feu. Oh, la mort de Jésus, mets ma sœur en feu. Mets l'église en feu, mets l'église en feu. Oh, la mort de Jésus, mets l'église en feu. Mets l'église en feu, mets l'église en feu. Oh, la mort de Jésus, mets l'église en feu. Mets ton peuple en feu, mets ton peuple en feu. Oh, la mort de Jésus, mets ton peuple en feu. Encore, mets ton peuple en feu, mets ton peuple en feu. Oh, la mort de Jésus, mets ton peuple en feu. Mets mon cœur en feu, mets mon cœur en feu. Oh, la mort de Jésus, mets ton cœur en feu, en feu. Mets mon cœur en feu, mets mon cœur en feu. Oh, la mort de Jésus, mets mon cœur en feu. Élevons nos mains maintenant. Parlons à notre Père et disons-lui le plus sincèrement possible. Ouvrons-lui notre cœur. Disons-lui ce que nous voulons. Demandons-lui les choses nécessaires pour notre vie ici-bas. Amen. Dans notre voyage de la terre à la gloire. Nous ne sommes que pèlerins sur la terre. Nous ne savons pas pendant combien de temps nous resterons en vie. Nous ne savons pas combien de temps ce monde subsistera encore. Il est Dieu plus tard que vous ne le pensez. L'horloge de Dieu est très avancée. Des signes et des miracles s'accomplissent. Des prophéties se réalisent. Nous sommes à la fin de fin. Le monde ne peut plus subsister plus longtemps. L'église doit être enlevée. Quel sera ton sort? Quelle sera ta part? Jésus, la joie remplit nos cœurs. Qu'importe qu'on voie ton autre bonheur. Selon ta promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il rôde. Oh oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon Dieu, gloire à Dieu. Oh oui, Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu. Mon Dieu, réjouis-toi. Oh, vain, les opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante à son nom. Dieu merveilleux, notre Père céleste. Encore une fois, nous te disons abondamment merci. Infiniment merci et gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton merveilleux nom. Gloire à ton nom rédempteur. À ton nom immuable et tout-puissant. Et nous nous aime et nous sauve. Et nous qui change nos vies. Et révèle les secrets de Dieu. C'est par ton nom que nous sommes distingués. C'est par ton nom que nous avons de la valeur. C'est par ton nom que nous avons de la considération de notre royaume. Que l'on nous a ramenés là où il fallait. Nous ne sommes jamais pour atteindre les sommets. L'œuvre que tu as commencé, Seigneur, tu es vivant et fidèle pour l'achever. L'église que tu as commencé toi-même, tu es puissant pour l'achever. Pour la rendre glorieuse et notre espérance est dans le Dieu vivant. Notre foi regarde à toi, Seigneur. Nous combattons et nous travaillons. Car nous avons placé notre espérance dans le Dieu vivant. Il est sauveur de tous les hommes. Mais principalement de ceux qui croient. Reçois notre force ce soir. Agrée nos moments de prière. Agrée les requêtes que nous adressons. Les choses nécessaires que chacun a demandé. accorde à chacun selon le la de famille. La foi, la pension, les fois que tu lui as donné. Béni le pasteur Gauthier, ton serviteur mandatif, dans lequel tu as choisi de nous parler. Nous aimons tes commissions, nous aimons les merveilles auxiliaires que Dieu a suscité pour le messager afin de répandre la même lumière d'une région dans le monde entier. Reste avec chacun de dans le monde. Bénis l'église, épouse et sa mission. Ouais, chaque membre du corps de Christ. Saint de pour défendre la cause de Christ. Vous priez pour l'évangile. Et être couronné le moment venu. Bénis cette église. Pourquoi à tous nos besoins. Spirituel, physique, sanitaire. Et même matériel. Dieu va gérer, c'est toi. Votre justice, c'est toi. Restez bien et défendez-vous. Fais-nous du bien chaque jour. Donne-nous de nouvelles victoires. Que nos langues se délient pour ta gloire. Et que l'ennemi soit confondu. Il soit repoussé jusque dans les derniers. Et que l'église victorieuse, bâtie sur la révélation, manifeste la gloire de Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu, et la puissance de la Pentecôte, comme il se doit. Nous sommes à toi tous les jours, croyants et convaincus, persévérant dans tes promesses, sachant que tu es avec nous, et tu nous feras toujours du bien. Toi qui as promis de faire son plus combien de ceux qui aiment Dieu. Garde ton troupeau au moment de la sortie. Que nos prières soient exaucées. Que les besoins de chaque famille soient pourvus, Seigneur. Soient assouvis. Tu as de quoi pourvoir. Nous ne parlons pas dans le vide. Nous parlons à celui qui a le pouvoir de créer. Même des choses qui ne sont pas visibles. Il le fera apparaître. Car tu es Dieu. Et tu donnes la gloire à ton nom que nous portons. Même si à nous tu ne donnes pas gloire. Mais oh Dieu vivant, donne gloire à ton nom. C'est pour lequel nous comptons. Restons sur les gardes de la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions et croyons. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir maintenant. C'est pour nous un grand privilège de communier comme ceci. Avec la grâce de Dieu. Shalom, shalom. Kimia, Kimia, Ecclesia.